Escuchando la facultad en Fuga Radio. Vincent Dugolejac, que ha venido al Uruguay unas 5 o 6 veces, ha estado con nosotros desde el comienzo, en 1995, cuando en Uruguay se crea el grupo de sociología clínica, y desde la Facultad de Psicología lo hemos recibido. Quiero, en primero, bueno, agradecerle que esté con nosotros, pero quiero decir que Vincent Dugolejac, que va a estar encargado de llevar adelante la conferencia inaugural del Congreso, es para nosotros un cómplice intelectual y un amigo. En estos años, después de la dictadura, en estos años de neoliberalismo fuerte que fueron los años 80 y 90, es difícil decir que alguien durante casi 20 años ha sido continuamente un cómplice intelectual y político. Vincent es para mí un cómplice intelectual y político. Quiero agradecerle que esté acá. Quiero agradecerle también su amistad y su constancia en el estar junto a nosotros en la Universidad de la República, junto a nuestros estudiantes y en este país que creo que él comienza a conocer bastante bien. El tema de Vincent Dugolejac y su conferencia es globalización y postura política de la sociología clínica. Je veux dire vite pour les amis français que l'arrivée de Vincent Dugolejac pour nous tous et pour moi très particulièrement, c'est pas le collègue, c'est pas l'intellectuel, mais c'est surtout le complice intellectuel et politique à travers non seulement une année ou deux, mais à travers presque 20 ans de nos vies. Et donc c'est la 5e ou 6e fois qu'il est à Montevideo, ici, à l'Universidad de la República, et je suis émue et très contente qu'il soit encore avec nous. Merci à Maria. Faut appuyer le, voilà. C'est un immense honneur de prononcer cette conférence inaugurale dans ce plus lieu fort. Magnifique. Faut pas. Plus fort, s'il te plaît. C'est un immense honneur de prononcer cette conférence inaugurale dans ce lieu magnifique de l'Université républicaine. Université républicaine, voilà un joli mot. Es un immense honor de participar en este congreso en el seno de la Universidad Republicana. Es un hermoso, una hermosa palabra. C'est un honneur pour moi, mais c'est aussi un honneur pour la sociologie clinique et la psychosociologie. Es un honor para mí, así como para la sociología clínica y la psicosociología. Ana María lo rappelait, l'Uruguay est le premier pays d'Amérique du Sud. Ana María recordaba que el Uruguay es el primer país de América del Sur. Avoir constitué un groupe et une revue de sociologie clinique. Que ha constituido un grupo y una revista de sociología clínica. Merci à toi, Ana María. Muchas gracias. Qui est la cheville ouvrière de ce groupe. Ya que eres et qui a mis toute son énergie à renforcer les liens entre Paris, Montevideo et bien d'autres pays qui sont représentés ici. Que es el agente obrero de este grupo y que ha puesto todos sus esfuerzos en reforzar las relaciones entre París, Montevideo y todo el grupo de gente que está aquí presente. Et merci à tous ceux qui ici à Montevideo. Y muchas gracias a aquellos que aquí en Montevideo l'ont accompagné dans cette aventure, ils sont tous là aujourd'hui. Que l'han acompañado en esta aventura y están aquí hoy presentes. Et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Y aquellos que han participado en la organización de este coloquio. Et merci pour la chaleur et la qualité de votre accueil. Y gracias por el calor y la calidez de vuestra recepción, de l'acogimiento. Et merci aussi à tous ceux qui viennent de partout. Muchas gracias a todos aquellos que vienen de todas partes. 11 pays, disait Ana María dans l'introduction. 11 países, como se dijo en la introducción. Pour faire exister la sociologie clinique. Para hacer existir la sociología clínica. Mais aussi faire exister un groupe. Pero también hacer existir un grupo. Et je fais écho à ce que disait Eugène tout à l'heure. Y hago eco a lo que decía Eugenio recién. Sur cette, ce bonheur de la confrontation à l'altérité. Esa felicidad de la confrontación con la alteridad. Pour produire une œuvre collective. Para producir una obra colectiva. Et une coopération qui est pas seulement intellectuelle. Y una cooperación que no es solamente intelectual. Mais qui est d'autant plus précieuse qu'elle est aussi amicale. Pero que es algo más precioso, es también amistosa. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui ont initié cette aventure. Y que sí, quería rendir homenaje a aquellos que han iniciado esta aventura. Jan Fritz et Robert Sévigny. Jan Fritz et Robert Sévigny. Qui ont constitué le premier groupe de sociologie clinique à l'Association internationale de sociologie. Que ha constituido el primer grupo de sociología clínica en la Asociación Internacional de Sociología. Évidemment, Eugène Henriquez. Por supuesto, Eugenio Henriquez. Un compagnon de route précieux. Un compañero de ruta maravilloso. Et puis, relayé par tous ceux qui vont intervenir dans ce colloque. Y seguido por todos aquellos que van a participar, intervenir en este coloquio. Et qui représentent un certain nombre de pays. Y representan un cierto número de países. Ana María en Uruguay. Ana María en Uruguay. Teresa Carretero au Brésil. Teresa Carretero en Brasil. Elvia Taracena au Mexique. De México, Taracena. Jacques Réaume au Canada. Jacques Réaume de Canada, de Québec. Et puis je peux pas évidemment citer tout le monde, mais en France, je voudrais citer Jacqueline Barus-Michel. Jacqueline Barus-Michel. Nicole Aubert, Nicole Jean-Philippe Aubert, Bouillot. Jean-Philippe Olivier de France. Florence Just des Prairies qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, et tous les collègues de l'Institut international de sociologie clinique. Y todos los colegas del Instituto Internacional de Sociología Clínica que vienen. Un mot aussi pour Klimis Navridis qui devait être parmi nous. Una palabra también para. En Grèce, Klimis Navridis. Klimis Navridis. Et Igor Masalkov en Russie. Je peux vous dire, c'est pas facile aujourd'hui de développer la sociologie clinique en Russie. No es nada fácil desarrollar la sociología clínica en Rusia. Hoy en Rusia. Alors pour illustrer le thème de ce colloque, para ilustrar el tema de este coloquio, et les rapports entre sociologie clinique, politique et globalisation, las relaciones entre sociología clínica, política y globalización, je vais procéder avec deux entrées. Voy a proceder a dos entradas. Une entrée qui sera plutôt clinique. Una entrada clínica. Une entrée qui sera plutôt sociologique. Y una entrada que va a ser más bien sociológica. La première, c'est une illustration de la façon la primi- dont on peut aborder les rapports entre la politique et la sociologie clinique. La primera es una ilustración de la manera en que se puede abordar las relaciones entre la política y la sociología clínica. Et en particulier la question de la violence politique. Y en particular la cuestión de la violencia política. La deuxième entrée sera plus macro-sociologique. La segunda entrada va a ser más macro-sociológica. Et elle partira d'une interrogation sur un phénomène social. Y va a partir de una pregunta, una interrogación sobre un fenómeno social. Qui est la question de, du mal-être au travail. Que es la cuestión del mal ser, digamos, malestar. En francés está malestar, que es malaise, y mal être, que es mal ser, desde el punto de vista ontológico, del ser, el ser que se siente mal. Qui est l'objet d'une bataille à la fois idéologique, pratique et scientifique. Que es el origen de una batalla a la vez ideológica, práctica y sociológica y política. Alors le premier point, pour introduire les liens entre politique et sociologie clinique. El primer punto para introducir las relaciones entre política y sociología clínica. Je voudrais évoquer une histoire. Quisiera evocar una historia. Qui s'est passé ici à Montevideo? Que ocurrió aquí en Montevideo? Il y a une quinzaine d'années. Hace 15 años aproximadamente. Quand Ana María m'a demandé d'animer avec elle le premier groupe d'implication et de recherche. Cuando Ana María me pidió que animara con ella el primer grupo de implicación y de investigación, dont le thème était roman familial et trayectoire idéologique. Cuyo tema era novela familiar y trayectoria ideológica. La mémoire de la dictature était encore très présente. La memoria de la dictadura, el recuerdo de la dictadura estaba muy presente aún. Les années de plomb. Los años de plomo. Et il n'était pas facile de parler politique à cette époque. Y no era fácil hablar de política en ese momento. Sans que surgisse immédiatement la violence. Sin que surgiera inmediatamente la violencia. Tant l'histoire est chargée d'affects. En una historia muy cargada de afectos. Tant elle est incorporée. Tanto está esta historia incorporada. Provoquant le retour douloureux d'émotions contradictoires. Y provocaba el regreso, el retorno doloroso de emociones contradictorias. On voudrait oublier l'horreur. Quisiéramos olvidarnos del horror. Et elle est toujours là. Y sin embargo está siempre allí presente. On cherche à l'enfouir, à la mettre de côté. Tratamos de esconderla, ponerla de costado. Et à la moindre discussion, elle se réveille. Y a la menor discusión se, digamos, aparece, se manifiesta. L'objectif des groupes d'implication et de recherche. El objetivo de los grupos de implicación y de investigación. Et celui-là en particulier sur l'idéalité. Y este en particular sur la idealidad. La idealidad consiste à explorer les engagements, les croyances, les valeurs. Consiste à explorer les engagements, les croyances, les valeurs. Consiste en explorar los compromisos, las creencias, los valores. Comment celles-ci se sont constituées dans l'histoire familiale et sociale? Cómo estos se han constituido en la historia familiar y social. Comment elles ont évolué? Cómo han evoluido. En fonction du contexte sociopolitique. Cómo han evolucionado en función del contexto social y político. Et des expériences de l'existence. Y de las experiencias de la existencia. Dans ce groupe, il y avait une quinzaine de personnes. En ese grupo había más o menos 15 personas. Representant deux générations. Que representaban a dos generaciones. La génération des militants qui s'étaient engagés contre la dictature pour la majorité d'entre eux. La generación de los militantes que se había comprometido en contra de la dictadura por la mayoría de ellos. Dont un certain nombre avait été emprisonné et exilé. En la cual cierto número había estado en prisión y exiliados. Et la génération des plus jeunes. Y la generación de los más jóvenes. Leurs enfants. Sus hijos. Qui avait une dizaine d'années au moment de l'arrivée de la dictature. Que tenía aproximadamente 10 años cuando había llegado la dictadura. Et qui n'arrivait pas non plus à parler de ces années-là. Y que no lograba tampoco hablar de esos años. Confronté à un message général, ne vous occupez pas de ça, vous êtes trop jeune. Confrontados a un mensaje general que decía, no se ocupen de ellos, no se preocupen por eso, son demasiado jóvenes. Et dans le groupe, on sentait une tension forte entre deux pôles. Se sentía en el grupo una tensión fuerte entre dos polos. Un besoin de parler de la violence sans violence. Una necesidad de hablar de la violencia sin violencia. D'exprimer, de raconter comment on avait vécu ces années-là. De expresar, de contar cómo se habían vivido esos años. D'affronter les fractures et les oppositions pour atténuer les blessures de cette époque. De enfrentar las fracturas y las oposiciones para atenuar las heridas de esa época. Et l'autre pôle, la peur. Y del otro lado, el otro polo, el miedo. La peur de réveiller cette violence. El miedo de hacer despertar, de despertar esa violencia nuevamente. De se retrouver confronté aux antagonismes multiples qui ont traversé cette période. De volverse a confrontarse con los antagonismos múltiples que han caracterizado esa época. De retomber dans les vieux clivages. De volver a caer en las viejas diferencias. Qui 20 ans après. Que 20 años después. N'avaient plus de raison d'être. No tenían razón de ser. Ou en tout cas pas les mêmes. O al menos no la misma razón. Mais qui avaient laissé des traces douloureuses. Pero que habían dejado huellas dolorosas. La méthodologie appliquée dans les groupes d'implication et de recherche. La metodología aplicada en los grupos de investigación de implicación y de investigación. Consiste à aider chacun, chaque participant, à explorer sa trajectoire socio-idéologique. Consiste en ayudar a cada uno, a cada participante, a explorar su trayectoria socio-ideológica. Ses valeurs, ses idéaux, au plus près du vécu. Sus valores, sus ideales, desde lo más cercano a lo vivido. Il ne s'agit pas de discuter de la pertinence de ces engagements. No se trata de discutir de la pertinencia de esos compromisos. Mais de comprendre d'où ils viennent. Sino de comprender de dónde vienen. Et comment ils ont évolué dans le temps. Y cómo han evolucionado en el tiempo. Et donc une des règles du groupe, c'est pas de jugement d'évaluation. Una de las reglas del grupo es no hay juicio, no hay evaluación. Pas de jugement de valeur. No hay juicios de valores. Mais une démarche collective de compréhension des engagements des uns et des autres. Sino un encaminamiento colectivo de comprensión de los compromisos de unos y de otros. Alors je voudrais raconter un passage de ce groupe qui m'a particulièrement impressionné. Quisiera contar un pedazo, un pasaje de ese grupo que me impresionó particularmente. J'ai changé les prénoms. He cambiado los nombres. Une participante, Anita. Una participante, Anita. Raconte qu'elle avait 12 ans au moment de la dictature. Cuenta que tenía 12 años en el momento de la dictadura. Et elle allait à l'école. Iba a la escuela. Et un matin, la directrice de l'école rentre dans la classe. Y una mañana la directora de la escuela entra en la clase, en la sala. Et dit les enfants aujourd'hui, y a pas classe, l'école va fermer. Y dice chicos, hoy no hay clase, la escuela va a cerrar. Parce qu'il y a eu un coup d'état. Porque hubo un golpe de estado. Et dans la classe, les enfants éclatent de joie. Y los chicos en la clase estalla la alegría en la clase, en el salón. Non pas parce qu'il y a eu un coup d'état. No porque hubo un golpe de estado. Mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas classe et que c'était un jour de vacances. Simplemente porque era un día de vacaciones, no había clase. Et elle rentre chez elle. Vuelve a casa. Et elle trouve. C'est aussi du travail émotion et histoire de vie. Alors, les émotions, il n'y a rien de plus contagieux. Elle rentre chez elle. Dice que es una cuestión de trabajo, de historia de vida, y las emociones son muy contagiosas. Vuelve a su casa. Et elle voit ses parents en pleurs. Y ve sus padres llorando. Ve a sus padres llorando. Et on raconte comment elle a, depuis cette scène-là qu'elle n'avait jamais racontée. Y logra contar esa escena que nunca había contado. Elle était prise d'une culpabilité terrible. Tenía una culpabilidad terrible. De penser qu'elle avait pu exprimer de la joie ce jour-là. De pensar que había podido expresar alegría en ese día. Et en même temps, dans le groupe, tout le monde lui a renvoyé que c'est bien normal, quand on a 12 ans, d'exprimer de la joie quand l'école est fermée. Y en el grupo, bueno, le contestaron, le respondieron que de lo más normal expresar alegría cuando hay un día de vacaciones y la escuela está cerrada. Mais cette culpabilité de vivre sur le registre de la légèreté et de l'insouciance. Pero esa culpabilidad de vivir sobre el registro de la liviandad y la falta de preocupaciones. Ce jour sinistre de l'arrivée des militaires au pouvoir. En ese día siniestro de la llegada de los militares al poder. La mettait dans une inhibition profonde. La colocaba en una situación de inhibición profunda. Et ce récit-là d'Anita a permis à d'autres d'évoquer d'autres souvenirs. Y este relato de Anita permitió a otros evocar otros relatos, otros recuerdos. María va a evocar una escena de escuela. María ha evocado una escena de escuela. Elle est issue d'un milieu ouvrier. Proviene de un medio obrero. Y ella raconte qu'un jour, elle a entraîné par un petit camarade. Y cuenta que un día fue llevada por un compañerito. Elle avait jeté des pierres sur un autre garçon. Había tirado piedras sobre otro compañero. Il se trouve que le petit camarade qui l'avait entraîné était fils de militaire. Y aquel que le había llevado a hacer eso era hijo de militar. Et celui sur lequel elle avait jeté des pierres était fils de militant qui avait été emprisonné. Y aquel sobre el cual había tirado las piedras era hijo de militante que había estado en prisión. Et au moment où elle raconte cette scène, elle fond en larmes. Y en el momento de contar esa escena, se derriten lágrimas. Et elle évoque cette honte qu'elle éprouve en se remémorant ce moment. Y evoca esa vergüenza que siente al rememorar este momento. Et que elle aussi, c'est la première fois qu'elle en parle. Y es la primera vez también que logra hablar de eso. Et elle évoque le silence qui a suivi cette scène. Evoca el silencio que siguió esta escena. Et combien 20 ans après, elle était encore meurtrie. Y cómo se sentía dolida 20 años después. Rongée par la honte. Carcomida por la vergüenza. D'avoir été cette petite fille. De haber sido esa niñita. Qui jetait des pierres sur un autre enfant. Que arrojaba piedras sobre otro niño. S'ensuit alors une discussion dans le groupe. Siguió entonces una discusión en el grupo. Pour savoir si les enfants des militants peuvent avoir des relations avec les enfants des militaires et des policiers. Para saber si los hijos de militantes pueden o podían tener relaciones con los hijos de militares y de policías. Et à ce moment-là, Javier, qui était resté silencieux pendant tout le groupe, y en ese momento Javier, que había estado en silencio durante todo el acontecimiento del grupo, qui est l'un des plus âgés, que es uno de los más con más edad, se tourne vers Maria et lui dit: je te remercie d'avoir raconté ça. Se da vuelta y le dice a María: te agradezco haber contado eso. Moi, j'étais un numéro pendant 4 ans. Yo fui un número durante 4 años. Un numéro qui était tatoué sur son poignet. Un número que había sido tatuado en la muñeca. J'ai été torturé et prisonnier. J'étais emprisonné et torturé. Estuve en cárcel, estuve torturado. Et en sortant de prison, j'ai été considéré comme un héros. Y al salir de la cárcel, fui considerado como un héroe. Et qu'est-ce que je pouvais dire de ça? ¿Y qué podía decir sobre qu'est-ce eso? Que je pouvais dire de la prison, de la torture, de l'abjection? ¿Qué podía contar sobre la prisión, la tortura, la abjeción, el rechazo? En prison, on n'est pas des héros. En la cárcel no somos héroes. Mais je ne pouvais rien en dire. Rien raconté. No podía decir nada, no podía contar nada sobre eso. Cette image qui m'était renvoyée, c'était comme une prison subjective. La imagen que me devolvían era como una prisión subjetiva. Et un soulagement est palpable dans le groupe. Y hubo un alivio palpable en el grupo. Parce qu'une porte s'ouvre sur la possibilité de parler de ces années-là autrement. Porque una puerta se abría de poder hablar sobre esos años de otra manera. C'est-à-dire, non pas en répétant la violence et des affects vécus au moment de ces scènes. Es decir, no repitiendo la violencia vivida de los afectos en los momentos en los cuales se vivieron estas escenas. Mais dans une expression collective des difficultés qu'avait chacun à affronter cette violence. Pero en una expresión colectiva de las dificultades que cada uno tenía para enfrentarse a esa violencia. Et le rire est revenu. Y la risa volvió. Pas seulement les pleurs. No solamente los llantos. Je me souviendrai toujours de Miguel, qui était un joueur de foot. Siempre voy a recordar a Miguel, que era un jugador de fútbol. Racontant que quand son équipe gagnait, contando que cuando su equipo ganaba, il faisait ostensiblement le tour du terrain en partant par la gauche. Hacía ostensiblemente la vuelta olímpica saliendo por la izquierda. Et tout le monde applaudissait avec force. Todos lo aplaudían con fuerza. Ne sachant pas trop si on applaudissait le fait que l'équipe avait gagné ou le fait qu'il partait vers la gauche. Y no se sabía si la gente aplaudía el hecho de que el equipo había ganado o si el hecho de que partía por la izquierda, daba la vuelta por la izquierda. Alors, comment c'est là où on retrouve un peu les, pour moi, les caractéristiques de cette approche clinique en sociologie. Y es allí donde vemos, donde encontramos las características de esta aproximación clínica de la sociología. Proposant un cadre, proponiendo un marco, qui permet l'écoute sensible, que permite una escucha sensible, explorer comment chacun a vécu ces événements, explorar cómo cada uno ha vivido esos acontecimientos, tout en remettant ces événements dans leur contexte sociopolitique, y dando, poniendo esos acontecimientos en su contexto sociopolítico, et donc illustrant cette hypothèse que l'histoire est chargée d'affect, y ilustrando esta hipótesis de que la historia está cargada de afectos, qu'on ne peut pas la réduire à une lecture politique en extériorité. Que no se puede reducir a una lectura política en su exterioridad. Et qu'il faut pouvoir entrer dans cette dimension existentielle de l'histoire. Y hay que poder entrar en esta dimensión existencial de la historia. Et que c'est par le détour de l'expression de l'éprouvé. Que es por el desvío de la. C'est par ce détour de l'expression de l'éprouvé, de ce qu'on éprouve. Claro, es por el desvío de la expresión de lo que sentimos. Que la discussion politique peut prendre un autre visage. Que la discusión política puede tomar otro rostro. Non plus le visage figé des positions du passé. Ya no el rostro fijo de las posiciones del pasado. Mais le visage de l'historicité. Sino el rostro de la historicidad. Dans sa dimension dynamique. En su dimensión dinámica. C'est en comprenant les contradictions du passé. Es al comprender las contradicciones del pasado. Que l'on peut se situer dans le présent. Que podemos situarnos en el presente. Et se projeter dans un avenir qui ne soit pas une répétition du passé. Y proyectarse en un porvenir que no sea la repetición del pasado. À cette époque ici à Montevideo. En esa época aquí en Montevideo. Les années de plomb étaient comme gelées. Los años plomo estaban como congelados. La loi avait interdit de revenir sur les exactions commises. La ley había prohibido volver sobre los actos cometidos. On ne pouvait en parler qu'en privé. Se podía hablar solo en privado. Mais même en privé, ça réveillait des vieux débats politiques forts. Pero incluso en privado, eso despertaba debates políticos fuertes. Et ça réveillait des blessures anciennes. Y despertaba heridas antiguas. On pouvait en parler en thérapie. No se podía hablar solo en terapia. Une association de psychologues s'était formée. En se spécialisant sur cette question. Y una sociedad de psicólogos se había formado especializándose en ese objetivo. Mais si la thérapie était nécessaire. Si la terapia era necesaria. Pour pouvoir travailler sur ces traumatismes et le vécu personnel de ces traumatismes. Para trabajar en estos traumatismos y las vivencias de estos traumatismos. Y renvoyait d'une certaine façon la responsabilité au sujet et au travail du sujet sur lui-même. Le otorgaban al sujeto su responsabilidad del trabajo sobre él mismo. L'intérêt des groupes d'implication et de recherche. El interés de estos grupos de aplicación y de investigación. C'est que le groupe fonctionnait comme une instance sociale. Es que el grupo funcionaba como una instancia social. Symbolique. Simbólica. Permettant de mettre en rapport le vécu personnel, permitiendo de poner en conexión la vivencia personal et la dimension collective et politique de ce vécu. Y la dimensión política colectiva de esta experiencia. Là où le sujet affectif est désirant, ahí donde el sujeto afectivo es desea, peut retrouver le sujet acteur et engagé politiquement. Reencontrar el sujeto activo y comprometido políticamente. En tout cas, le sujet citoyen. En todo caso, el sujeto ciudadano. Et dans la discussion qui a suivi les histoires d'Anita, María y Javier. En la discusión que siguió a las historias de Anita, María y Javier. Plusieurs questions sont apparues. Muchas preguntas aparecieron. Par exemple sur la question de la transmission intergénérationnelle de l'histoire. Por ejemplo, la cuestión de la transmisión intergeneracional de la historia. Jusqu'où les enfants sont-ils comptables des engagements de leurs parents? ¿Hasta dónde los niños son culpables sobre las responsabilidades de sus padres? Ou comment les enfants peuvent-ils se positionner lorsque le secret recouvre l'histoire familiale des engagements des uns et des autres? O cómo los niños pueden ubicarse frente a los compromisos de unos y de otros. Et en même temps la compréhension que le silence des parents était fait en grande partie pour protéger les enfants. Y la comprensión de que el silencio de los padres era en parte para proteger a sus hijos. Mais ce silence, comment l'interpréter? Pero este silencio, ¿cómo interpretarlo? Est-ce que c'est pas aussi comme tous les secrets de famille pour cacher des choses honteuses? ¿No es como todos los secretos de familia para esconder cosas vergonzosas? Mais peut-être aussi à cause de la loi. Quizá también a causa de la ley. Cette loi qui avait interdit de pouvoir juger esa ley, crime. Esa ley que había prohibido juzgar juger des crimes, juzgar los crímenes. Et même des crimes qu'on désigne par le terme fort de crime contre l'humanité. Incluso los crímenes que se designan con la palabra fuerte de crímenes de lesa humanidad. Et quand c'est pas la société et la justice qui jugent. Y cuando no es la sociedad y la justicia que juzgan. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans une histoire familiale? ¿Qué se puede hacer con esto en una historia familiar? Et la discussion aussi a porté sur le manichéisme inévitable en temps de guerre. Y la discusión sobre el maniqueísmo en tiempos de guerra. Quand il faut choisir son camp. Cuando hay que elegir su campo. Mais critiquable quand la guerre est finie. Pero criticable cuando la guerra termina. Lorsqu'il faut reconstruire une société. Cuando hay que reconstruir una sociedad. Un être ensemble. Un ser en conjunto. Un monde commun. Un mundo en común. Et puis la discussion a porté sur les héros et les salauds. Y luego la discusión sobre los héroes y los sinvergüenzas. Et que parfois les héros se conduisent comme des salauds. Y que a veces los héroes se actúan como sinvergüenzas. Et parfois les salauds ne le sont pas autant que ça. Y a veces los sinvergüenzas no son tan sinvergüenzas. Et un autre point de la discussion a porté sur le fait qu'un traumatisme peut en cacher un autre. Y un punto más de la discusión que un traumatismo puede esconder otro. Et est apparu l'évocation du massacre des Charrois. Y aquí aparece la evocación de la masacre de los charrúas por Rivera en 1831. Por Rivera en 1831. Et le fait que ce massacre-là avait été complètement oblitéré dans la mémoire collective. Y el hecho que esta masacre fuera completamente olvidada del colectivo, de la memoria colectiva. La Salsipuedes. En Salsipuedes. C'est quand même une coïncidence particulière. J'avais préparé cette communication avant de voir dans le journal d'hier. Y es una coincidencia particular, muy particular, porque había preparado esta conferencia antes de ver el diario de ayer. Que d'abord le débat sur la loi de la caducidad et son abolition. Primero el debate sobre la ley de caducidad. Et puis le fait que le 11 avril 2011 y luego el hecho que el 11 de abril del 2011 a été célébré l'anniversaire de la Salsipuedes. Fue celebrado el aniversario de Salsipuedes. Ces deux choses-là étaient impensables quand on a fait ce groupe avec Ana María. Estos dos hechos eran impensables cuando se creó este grupo con Ana María. Alors, cet exemple illustre certains aspects de la sociologie clinique. Estos ejemplos que ilustran ciertos aspectos de la sociología clínica. Par exemple, le fait que les phénomènes sociaux ne sont pas des choses. Por ejemplo, el hecho que los fenómenos sociales no son cosas. Comme le dit Durkheim dans les règles de la méthode sociologique. Como lo dijo Durkheim en las reglas del método sociológico. En tout cas, c'est pas des choses comme les autres. No son cosas. En todo caso, como otras. Mais qu'on a affaire à des processus socio-psychiques. Pero que se trata aquí de fenómenos socio-psíquicos. Socio-affectifs. Socio-affectivos. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce que c'est que l'objectivité? El segundo punto es ¿qué es la objetividad? L'objectivité sur ce qui s'est passé pendant la dictature ici. La objetividad sobre lo que pasó durante la dictadura aquí. Quand on aborde l'humain, cuando se trata sobre lo humano, les choses humaines, las cosas humanas, ce n'est pas en neutralisant la subjectivité qu'on peut les connaître. No es neutralizando la subjetividad que se pueden conocer. Je pense à la fameuse glace sans teint des psychologues expérimentaux. Pienso en la famosa la glace sans teint. Ça c'est dit comment? C'est la glace qui est un miroir d'un côté et une vitre de l'autre. Espejo Gesell. La cámara Gesell. Gracias. Que puede evocar como ejemplo. Cette glace sans teint qui donne l'illusion à l'observateur qu'il n'intervient pas sur les faits qu'il observe. Esta cámara que da la ilusión al que la observa que interviene en lo que ve. Alors quand que no interviene en lo que ve. Alors qu'en elle-même ce dispositif est un dispositif de pouvoir. Mientras que en ella misma representa un dispositivo de poder. Donc c'est pas en neutralisant la subjectivité qu'on peut faire acte de connaissance. Entonces no es neutralizando esta subjetividad que se puede hacer un acto de conocimiento, mais plutôt en comprenant comment cette subjectivité intervient dans le processus même de connaissance. Pero entendiendo cómo esta subjetividad interviene en el proceso mismo de conocimiento. De la même façon dans la science positiviste, de esta manera en la ciencia positivista, on veut séparer ce qui est de l'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre des émotions. Se quiere separar lo que es del orden de la razón, del orden de la emoción. Or, la réflexivité et l'éprouvé ne peuvent pas être dissociés. Sin embargo, esta reflexividad no puede ser disociada. Les émotions sont des horloges de la subjectivité. Las emociones son como mecanismos de la subjetividad. Elvia Taracena propose de traduire en espagnol ça comme des boussoles de la subjectivité. Se propone traducir como brújulas de la subjetividad. C'est-à-dire une forme de connaissance sensible. Es decir, una forma de conocimiento sensible. Intuitiva. Qui ne s'oppose pas à la connaissance réflexive. Que no se opone al conocimiento reflexivo. Mais qui la complète. Pero que la completan. De même, la sociologie clinique est une sociopsychologie. Asimismo, la sociología clínica es una psicosociología. Sociopsychologie. Sociopsychologie. L'ordre n'est pas insignifiant. Este orden no es insignificante. Mais c'est pas pour entamer ici un débat avec les psychologues. Pero no es para entablar un debate ahora con los psicólogos. C'est plus en lien avec ce que disait Anna Maria dans l'introduction sur la nécessité de la pluridisciplinarité. Viene más en conexión con lo que decía Anna Maria sobre la necesidad de la interdisciplinariedad. Et sur le fait d'avoir une approche globale de ces questions qui intègre l'histoire, l'anthropologie, l'économie, les sciences politiques. Y más bien en el abarcamiento aproximación global con la economía, la antropología, ciencias políticas. Y enfin, l'importance des histoires de vie comme méthode de connaissance. Finalmente, la importancia de las historias de vida como método de conocimiento. Comme approche des transformations sociales et politiques. Como abordaje de las transformaciones sociales y políticas. Comme éclairage irremplaçable pour comprendre les processus. Como iluminador para comprender los procesos. Qui sont au cœur des relations entre l'être de l'homme et l'être de la société. Que están en el corazón como del ser hombre y ser sociedad. J'emprunte cette expression d'être de l'homme et être de la société au collège de sociologie. Tomo esta expresión el ser hombre y ser sociedad del colegio de sociología. Qui avait écrit un manifeste qui commençait en disant les phénomènes sociaux ne sont pas des choses. que habían escrito un manifiesto que decía los fenómenos sociales no son cosas. Pour autant, et j'entame là le deuxième point de mon exposé. Sin embargo, para terminar el segundo punto el comienzo de esta exposición. La posture sociologique est nécessaire pour comprendre ces transformations sociales. La postura sociológica es necesaria para comprender esas transformaciones sociales. En particulier à l'heure de la globalisation. Particularmente en el momento de la hora de la globalización. Aller au plus près du vécu des acteurs ne suffit pas. No alcanza con ir lo más cerca posible de lo vivido de los actores. Si c'est nécessaire pour comprendre comment les phénomènes sociaux sont incarnés dans des existences humaines. Si bien es necesario para comprender cómo los fenómenos sociales están encarnados en personas. Pour comprendre comment la société produit des individus qui produisent la société. Para comprender cómo la sociedad produce individuos que produce la sociedad. C'est insuffisant pour comprendre la nature des déterminations. Es insuficiente para comprender la naturaleza de las determinaciones. Qui sont à la source des conflits vécus. Que están en la fuente de los conflictos vividos. Par des personnes. Por las personas. Qui sont à la source des conflits psychologiques et psychopathologiques. Que están en la fuente de los conflictos psicológicos y psicopatológicos. Et donc c'est pour ça que j'ai dit socio-psychologique tout à l'heure. Por eso digo socio-psicológico. C'est l'idée qu'il faut d'abord une posture sociologique. Es la idea de que se necesita primero una postura sociológica. Expliquer le social par le social. Explicar lo social por lo social. Et puis lorsqu'on a épuré l'explication sociologique. Y después cuando se ha agotado la explicación sociológica. Ça ouvre sur d'autres formes d'explication, en particulier. Du côté des comportements, des talents, des caractéristiques individuelles. Nos abrimos sobre otras formas de explicación, en particular sobre los comportamientos, los talentos, las características individuales. Alors, c'est pas de l'impérialisme sociologique. No es un imperialismo sociológico. C'est simplement que à l'heure où les conflits du travail, par exemple. Es simplemente que en el momento donde los conflictos en el trabajo, por ejemplo. Tendent à être interprétés psychologiquement. Tienden a ser comprendidos e interpretados psicológicamente. Il est important de remettre les questions de causalité et de hiérarchie de causalité à leur place. Es importante poner las cuestiones de causalidad y de la jerarquía de causalidades allí donde corresponde. Et le débat sur la souffrance au travail en France actuellement. Y el debate sobre el sufrimiento en el trabajo en Francia actualmente. Est tout à fait illustratif de cette question. Es totalmente ilustrativo de esta cuestión. Je ne sais pas si est venu jusqu'ici des informations sur l'épidémie de suicide au travail que nous avons connue en France. No sé si llegaron aquí en Uruguay las noticias sobre la epidemia de suicidios en el trabajo. Que ocurrieron en Francia últimamente. Il y en a à peu près partout, mais plus particulièrement, on a parlé de ce qui s'est passé à l'entreprise Renault et l'entreprise France Télécom. Esos suicidios existen en todas partes, pero se ha hablado particularmente de lo que pasó en France Télécom y en Renault. Je vais être un peu caricatural. Voy a ser un poco caricaturesco. Mais dans le débat sur les suicides, il y avait deux thèses qui s'affrontaient. Pero en el debate sobre los suicidios había dos tesis que se enfrentaban. Et qui s'affrontent encore. Y que se enfrentan todavía. D'un côté, la thèse plutôt des directions d'entreprise. Por un lado, la tesis más bien de las direcciones o la gerencia de la empresa. Et des directeurs des ressources humaines. Y de los directores de recursos humanos. Qui disaient, s'il y a suicide, c'est à cause de problèmes personnels. Si hay suicidio, decían, es por razones personales. Et du côté des familles, del lado de las familias, des témoignages de ceux qui avaient fait des tentatives de suicide mais qui n'étaient pas morts, había testimonios de aquellos que habían hecho intentos de suicidio y que no habían muerto, et du côté des syndicats, del lado de los sindicatos también, la thèse était que le suicide était lié à la pression du travail. La tesis era de que los suicidios estaban ligados con la presión en el trabajo. A la culture de la haute performance. A la cultura de los, digamos, grandes resultados. A l'exigence du toujours plus. A la exigencia del siempre más. Donc était directement causé par les nouvelles pratiques managériales. estaban entonces causados directamente por las nuevas prácticas gerenciales de manager, ¿no? Del término inglés managerial. Et les transformations des organisations. Y las transformaciones de las organizaciones. Alors, quand on suicide, il y a toujours des problèmes personnels. Entonces, cuando nos suicidamos, siempre hay problemas personales. Donc, c'est difficile de nier ça. Es difícil negarlo. Et de combattre cette thèse. Y combatir esta tesis. L'intérêt de l'approche en termes de sociologie clinique. El interés de la aproximación de la sociología clínica. C'est de sortir de ces oppositions. Es salir de esas oposiciones. Et de montrer qu'il n'y a pas d'un côté l'organisation. Y demostrar que no hay de un lado la organización. Avec ses procédures, ses pratiques managériales, ses outils de gestion. Con sus procedimientos, sus prácticas gerenciales, sus instrumentos de gestión. Et de l'autre, l'individu. Y del otro lado, el individuo. Avec ses problèmes affectifs, sexuels, psychologiques. Con sus problemas afectivos, sexuales, psicológicos. Avec Max Pagès et Michel Bonetti, on avait analysé le système de IBM. Con unos colegas habíamos analizado el sistema de IBM. Et montré que c'était un système socio-mental. Y habíamos mostrado que era un sistema socio-mental. C'est-à-dire l'organisation n'est pas en extériorité des individus. Es decir, la organización no está en la exterioridad de los individuos. C'est aussi un imaginaire. Aussi une façon d'être et une façon de parler que les individus incorporent. Es también un imaginario, una manera de ser, una manera de hablar que los individuos incorporan. L'université produit des universitaires. La universidad produce universitarios. L'armée produit des militaires. El ejército produce militares. L'église produit des ecclésiastiques. La iglesia produce eclesiásticos. Et quand je dis ça, c'est pas seulement une production de compétences professionnelles. Y cuando digo eso no es solamente una producción de competencias profesionales. C'est aussi l'incorporation d'habitus. Es también la incorporación de hábitos o hábitos. C'est-à-dire de façon de faire et de façon de penser. Maneras de hacer, maneras de pensar. Ça illustre aussi le thème d'Edgar Morin quand il dit le tout est dans la partie. Ilustra también el tema de que el todo está en la parte. Chaque travailleur d'une organisation, cada trabajador de la organización, a intériorisé l'ensemble de l'organisation à laquelle il appartient. Ha interiorizado el conjunto de la organización a la cual pertenece. Avec Nicole Aubert dans El costo de la excelencia, con Nicole Aubert en El costo de la excelencia, on avait développé cette idée autour de concept de système socio-psychique. Habíamos desarrollado esta idea en torno a l'idée de sistema sociopsíquico. C'est-à-dire qu'il y a une intrication entre le social et le psychique. Está imbricado ese. Et que c'est un des éléments. C'est un des éléments d'explication de l'attachement qu'ont les travailleurs pour leur entreprise ou pour leur institution. Y es uno de los elementos de la explicación del apego que tienen los trabajadores en relación a la institución, en relación a la empresa. Et donc la souffrance au travail. Entonces el sufrimiento en el trabajo. Elle remet fondamentalement en question ce rapport socio-psychique. Pone en duda, pone en cuestión esta relación socio-psíquica. Dans le coup de l'excellence, on avait développé l'idée d'un contrat narcissique entre le travailleur et l'entreprise. En el costo de la excelencia habíamos desarrollado la idea de un contrato narcisista entre el trabajador y la empresa. À côté du contrat de travail, al lado del contrato de trabajo, il y a des investissements psychiques. Hay inversiones psíquicas dans le travail, intensivas en el trabajo, qui amène à une mobilisation psychique importante des travailleurs. Que llevan a una movilización psíquica importante del trabajador. Alors, pour comprendre ce phénomène comme un phénomène social total. Para entender este fenómeno como un fenómeno social total, il faut mettre en rapport, hay que relacionar plusieurs hypothèses, varias hipótesis, qui ont quelque chose à voir avec la globalisation, que tienen que ver algo con la globalización. C'est-à-dire considérer la souffrance au travail comme un symptôme, Es decir, considerar el sufrimiento en el trabajo como un síntoma. Le symptôme de transformation structurelle de la société. El síntoma de la transformación estructural de la sociedad. Qui met en rapport trois registres d'analyse habituellement séparés. Que ponen en relación tres registros de análisis que habitualmente estaban separados. Le registre socio-économique qui permet de rendre compte de l'évolution du capitalisme. El registro socioeconómico que permite explicar la evolución del capitalismo. Qui est plutôt travaillé par les économistes. Que es trabajado más bien por los economistas. Et les sociologues macro. Y los sociólogos macros. Le deuxième registre, c'est le registre des organisations et des pratiques de management et de gouvernance. Y el segundo es el deuxième registre. Encore. Le registre des organisations. El registro de las organizaciones. Et des pratiques de gestion. Y las prácticas de gerencia. Qui est du registre des gestionnaires. Que es del registro de los gerentes, de los gerenciales. Des sociólogos de l'organisation et du travail. De los sociólogos de la organización del trabajo. Et le registre psychique. Y el registro psíquico. Des investissements, de la mobilisation psychique des individus dans leur travail. De l'inversión, de la movilización psíquica de los individuos en el trabajo. Des valeurs. De los valores. Qui est du registre plutôt de la psychosociologie ou d'une certaine psychosociologie et de la psychologie. Que está en el registro más bien de lo psicosociológico, una cierta psicología. Alors, je n'ai pas le temps ici, évidemment, de développer la totalité de cette analyse. No tengo tiempo aquí, por supuesto, de desarrollar la totalidad de este análisis. Mais juste donner quelques hypothèses. Sino formular algunas hipótesis. Par exemple, ce qui s'est passé dans les années 90. Por ejemplo, lo que ocurrió en los años 90. Lorsqu'il y a eu une dissociation. Cuando hubo una disociación. Entre le capitalisme financier. Entre el capitalismo financiero. Et le capitalisme de production. Y el capitalismo productivo. Le capitalisme de production, c'est là où on produit des biens et des services concrets. El capitalismo de producción es allí donde se produce bienes y servicios concretos. Et donc ils sont territorialisés. Están territorializados. Et donc ils sont encore soumis, par exemple, à la législation nationale des pays dans lesquels ils se développent. Y se someten, por consiguiente, a la legislación nacional de los países en los cuales esta actividad se desarrolla. Le capitalisme financier, el capitalismo financiero, avec la liberté de circulation qui leur est donnée, con la libertad de circulación que les es dada, est maintenant déterritorialisé. Está ahora desterritorializado. Ce qui fait que le pouvoir politique, par exemple, n'a pratiquement plus de prise sur le capitalisme financier. Lo que hace que el poder político no tiene más influencia, no tiene más cómo agarrar, tomar al capitalismo financiero. La démonstration en a été faite très clairement avec la crise de 2008. La démonstration fue clara con la crisis del 2008. Où le G20 a annoncé des grandes intentions pour produire de la régulation. Et donde el grupo de 20 anunció grandes intenciones para regular. Que je sache, rien changé sur le contrôle du système bancaire. Lo que no cambió, que yo sepa, nada en el control del sistema bancario. Sur l'action des traders dans les bourses financières mondiales. En la acción de los especuladores en las bolsas y la especulación mundial. Et n'a pas donné plus de pouvoir aux politiques sur les circuits financiers et les ce qu'on appelle la shareholder value, la valeur pour l'actionnaire. Y no le ha dado más poder a los políticos sobre los circuitos financieros, ni tampoco le ha dado sobre el poder de los accionistas, los valores de los accionistas. Alors, une des conséquences de cette dissociation, una de las consecuencias de esta disociación, c'est que les financiers demandent des taux de rentabilité du capital de 5, 10, 15, 20%. Es que los financistas piden un rendimiento de las tasas de capital de 5, 10, 15, 20%. Dans des pays où le taux de croissance montre que les gains de productivité sont de 2, 3, 5%. En países donde la tasa de crecimiento muestra que las ganancias de productividad son del 2, 3%, 5%. D'où une pression sur le travail. Por lo tanto, se produce una presión sobre el trabajo. Et le développement de pratiques managériales. Y el desarrollo de prácticas gerenciales, comme la lean production, como la libre producción. Le toyotisme. Le toyotisme de le modèle de l'usine de Toyota. El modelo de la fábrica de Toyota, toyotismo. Pour améliorer la productivité. Para mejorar la productividad. C'est-à-dire produire plus avec moins. Es decir, producir más con menos. Moins d'effectifs en particulier. Menos efectivos en particular. Ce qui met une pression sur le travail intense. Lo que coloca una presión sobre el trabajo y los trabajadores. Pour aller vite, on est passé du modèle fordiste au modèle Walmart. Para decirlo rápidamente, hemos pasado del modelo fordista al modelo Walmart. L'idée du fordisme, qui n'était d'ailleurs pas l'idée d'Henry Ford, mais enfin, c'est ça restera dans l'histoire comme le fordisme. La idea del fordismo, que no era la idea de Henry Ford, pero va a quedar como, digamos, el modelo fordista. C'était que en augmentant les salaires era, et la production de masse. Era que al aumentar los salarios y la producción en masa. Les travailleurs de chez Ford devenaient les principaux clients de Ford. Los trabajadores de, que trabajaban en Ford se transformaban en los principales clientes de Ford. En produisant des voitures moins coûteuses. Al producir autos menos costosos. Pour le plus grand bien des actionnaires. Para el mayor placer de los accionarios. Dans la nouvelle langue managériale, on peut dire qu'ils jouaient gagnant, gagnant, gagnant. Es decir, en el modelo gerencial apostaban al ganar, ganar, ganar. Los ganadores, ganadores y ganadores. ¿Cómo se dice la nueva langue en español? La nueva langue. C'est tiré de chez Orwell. Et, hein, ça désigne un langage bien particulier qui est le langage managérial. El lenguaje gerencial, la nueva langue, que es sacado de Orwell. Donc on dit, on jouait gagnant-gagnant, gagnant, c'est-à-dire gagnant les travailleurs, les clients et les actionnaires. Todos ganaban, si ganaban los trabajadores, ganaban los empresarios, los clientes y ganaban los accionistas. Le modèle Walmart. En el modelo Walmart. C'est jouer gagnant-perdant-perdant. Digamos, lo que se pone en juego es ganadores, perdedores y perdedores. C'est-à-dire que c'est des travailleurs pauvres. Trabajadores pobres. C'est-à-dire on presse sur les salaires des travailleurs. Hay una presión sobre el salario de los trabajadores. On presse sur les revenus des producteurs. Se hace presión sobre los pour pouvoir avoir des produits les moins chers possibles. Sobre los productores para poder tener los productos al mejor costo posible. Pour les pauvres. Para los pobres. Pour le plus grand bénéfice des actionnaires de Walmart. Para el mayor beneficio de los accionistas de Walmart. Et Walmart remet en question tout le droit du travail. Walmart pone en duda todo el derecho del trabajo. Tout le droit social. Todo el derecho social. Avec Jacques au Québec il y a quelque temps, Walmart a fermé un magasin qui était rentable. Por ejemplo, en Quebec hace un tiempo han cerrado un comercio que era rentable. Parce que les travailleurs de ce magasin avaient obtenu en justice la reconnaissance de leur section syndicale. Porque habían reconocido a esos trabajadores judicialmente su sección sindical. C'est ce modèle-là qui se développe avec la globalisation. Es el modelo que se desarrolla con la globalización. Appuyé en même temps sur les nouvelles technologies d'information et de communication. Sostenido basándose también con las nuevas tecnologías de comunicación, de información. Qui fait que les transformations organisationnelles. Que hace que las transformaciones organizacionales. Apparaissent de façon invisible. Aparecen de manera invisible. En tout cas, pas facilement identifiables. Difícilmente identificables. Quand on change les logiciels de gestion d'une entreprise. Cuando se cambian los juegos, los logiciels de las empresas. Par exemple, on voit ce modèle arriver dans notre université à Paris 7. Por ejemplo, en Paris 7, en la universidad, vemos cómo ha llegado ese modelo. C'est pas le président de l'université qui l'a décidé. No lo decidió el presidente de la universidad. C'est des nouveaux logiciels. Son nuevos logiciels. Pour la sélection des étudiants. Para la selección de los estudiantes. Pour la gestion des notes. Para la gestión de las notas. Pour la gestion des services. Para la gestión de los servicios de enseñanza. Pour la répartition des budgets de l'université. Para la distribución de los presupuestos de la universidad. Qui fait que ces nouvelles pratiques se mettent en place et que les gens n'ont plus le sens des raisons pour lesquels il faut qu'ils travaillent autrement. Si una nueva matriz se coloca y la gente pierde la razón del por qué están trabajando de esa manera. On leur dit c'est pour améliorer la rentabilité. Se dice es para mejorar la rentabilidad. La performance. El resultado. C'est la modernisation. Es la modernización. Mais pour eux, c'est pas facteur de mieux travailler. Y para ellos no representa un factor de trabajar mejor. Et lorsque vous avez l'image de ce manager qui a son portable, son téléphone, cuando tenemos la imagen del gerente con su celular, su teléfono, il exprime un des paradoxes de cette nouvelle gouvernance managériale. Expresa una de las paradojas de esta nueva gobernancia gerencial. Parce qu'il est libre de travailler où il veut, quand il veut. Porque está libre de trabajar donde quiere, cuando quiere. C'est formidable. Es fantástico. Il lui suffit d'une prise électrique pour brancher son ordinateur et encore il a une batterie qui lui donne de l'autonomie. Solo necesita un enchufe para enchufar su computadora y eso que tiene también baterías en la computadora. Donc il est libre de travailler 24 heures sur 24. Está libre entonces de trabajar 24 horas sobre 24. C'est quand même une liberté un peu trouble. Es una libertad un poco confusa, un poco turbia. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais comme il y aura plusieurs tables rondes sur ces questions-là, on aura l'occasion d'y revenir pendant le colloque. Tengo algunas cosas para decir, pero como va a haber muchas mesas redondas sobre el tema, tendremos la oportunidad, digamos, de hablar de eso durante el coloquio. Pour conclure sur ce point. Para concluir sobre este punto. Je voudrais dire qu'il faut arrêter d'opposer ce qui est du registre du personnel, de l'existentiel. Hay que parar de oponer lo que es del orden del registro de lo personal, de lo existencial. Ce qui est du registre de l'organisationnel et du management. Con lo que es del registro de lo organizacional, lo gerencial. Et ce qui est du registre du politique et de l'économique. Y el registro de lo político y de lo económico. La souffrance au travail, c'est un symptôme de cet ensemble. El sufrimiento en el trabajo es un síntoma de este conjunto. Il n'y a pas une causalité du suicide. No hay una causalidad del suicidio en el trabajo. On est dans le pluralisme causal. Estamos en un pluralismo causal. Mais en même temps, il faut contribuer à désamorcer. Hay que contribuir al mismo tiempo en desarmar. Risque de psicologisation. Desarticular el riesgo de la psicologización. Quand j'ai sorti la société malade de la gestion, cuando saqué el libro La sociedad enferma de la gestión, le premier mail que j'ai reçu, el primer mail que recibí, c'est une femme qui me raconte toutes ces difficultés qu'elle a eues dans son entreprise. Es de una mujer que me cuenta todas las dificultades que tuvo en su empresa. Et elle termine en disant, je vous remercie. Y termina diciendo, le agradezco. Parce que maintenant je sais que c'est pas tout dans ma tête. Ahora sé. Gracias a usted sé que no está todo en mi cabeza, que no proviene de mi cabeza. Et c'est là où on voit que les positions scientifiques ou épistémologiques ont des incidences politiques. Y ahí vemos cómo las posiciones epistemológicas tienen incidencias sobre lo político. Ce sont des façons d'interpréter le monde. Son maneras de interpretar el mundo. Ce sont des façons de se situer par rapport au pouvoir. Son maneras de situarse en relación al poder. Je voudrais conclure sur une anecdote qui m'a beaucoup frappé. Quisiera concluir sobre una anécdota que me ha llamado mucho la atención. Par rapport à des manifestations, les dernières manifestations qui a eu lieu en France. En relación a las últimas manifestaciones que tuvieron lugar en Francia. Excusez-moi pour cet ethnocentrisme. Disculpen el etnocentrismo. Mais je ne serais pas étonné que ça arrive ici. En Uruguay, pero no me sorprendería que llegara inclusive aquí en Uruguay. En France, c'était le désenchantement, la déprime, en France, politique. Il faut dire que nous, on a un gouvernement de droite depuis longtemps. En Francia era el desencanto, la depresión. Hay que decir que en Francia tenemos un gobierno de derecha desde hace mucho tiempo. Et ce gouvernement de droite s'est mis dans l'idée de moderniser la société. Y este gobierno de derecha se puso la idea en la cabeza de modernizar a la sociedad. En fait, c'est appliquer l'idéologie managériale à l'ensemble de la gouvernance de la société. Es decir, aplicar la ideología gerencial al conjunto de la gobernancia de la sociedad. Et une des dernières réformes, ça a été la réforme des retraites. Y una de las últimas reformas fue la de las jubilaciones. Et il y a quelque chose de très paradoxal qui s'est passé. Y hubo algo muy paradójico que ocurrió. Il y a des millions de travailleurs qui ont manifesté. Había millones de trabajadores que manifestaron. Et ils ont perdu. Y perdieron. La réforme des retraites est passée. Porque la reforma pasó en el Congreso. Et pourtant les manifestations étaient assez joyeuses. Y sin embargo las manifestaciones eran bastante alegres. Et un slogan en particulier. Y un eslogan en particular. Que les manifestants se collaient sur le ventre, sur le dos, sur leur cartable. Que los manifestantes se pegaban en la panza, en la espalda, en los. Je lutte des classes. Et bueno, que se van consigo, que quiere decir je lutte des classes, quiere decir yo lucha de clase. Es un juego de palabras, digamos, en francés tiene el sustantivo lutte, que es a la vez un verbo, quiere decir lucha y lucho, ¿no? Es decir, yo lucha o lucho de clases. On peut se demander pourquoi ce slogan les rendait si joyeux. ¿Por qué ese eslogan los hacía tan, los ponía tan alegres? Ben, peut-être parce que enfin. Por fin. On assiste à la réconciliation. Assistimos a la reconciliación. Entre le je, le sujet. Entre el yo, sujeto. Le sujet autonome. El sujeto autónomo. Le sujet qui a envie de liberté, de singularité. Que tiene ansias de libertad, de singularidad. Et le mouvement collectif. Y el movimiento colectivo. L'espoir que la lutte collective puisse changer la société. La esperanza de que la lucha colectiva pueda cambiar a la sociedad. Dans la perspective marxiste de la lutte des classes. En la perspectiva marxista de la lucha de clases. Le sujet devait se sacrifier. El sujeto tenía que sacrificarse. Pour un espoir d'un grand soir différé. Para la esperanza de un gran atardecer diferido. Pour des lendemains qui chantent. Para que haya mañanas que canten. On sait ce qu'il en a été. Sabemos lo que pasó con eso. Le sujet de l'histoire à cette époque, c'était un sujet majuscule avec un H majuscule à l'histoire. El sujeto histórico de esa época era un sujeto con una S mayúscula y para una gran historia, una historia con H mayúscula. C'est le prolétariat qui était porteur d'historicité. Era el proletariado el que llevaba la historicidad, el portador de la historicidad. Aujourd'hui, il semble bien qu'à ce sujet majuscule, parece hoy en día que con respecto a ese sujeto con S mayúscula, de l'histoire avec un grand H, de la historia con un gran H, se sustituye le sujet minuscule, el sujeto con la S pequeña, con la S minúscula, qui se préoccupe de son histoire de vie. Que se preocupa por su historia de vida. Et ça, il me semble que c'était vraiment une des caractéristiques de l'hypermodernité. Y esto me parece ser una de las características de la hipermodernidad. Le désenchantement. El desencanto. Il vient aussi que le sujet minuscule quand il est tout seul. El sujeto minúsculo cuando está solo. Qu'est-ce qu'il peut faire? ¿Qué puede hacer? Comme si c'était à lui qu'on renvoyait cette tâche immense de répondre à la question du sens de la vie. Es como si de él dependiera esa tarea inmensa de contestar acerca del sentido de la vida. Pas étonnant que beaucoup soient déprimés. No sorprende de que muchos estén deprimidos. Vous rendez compte de décider moi du sens de la vie, de la mort, de la société? Se dan cuenta lo que representa que yo tenga que decidir sobre el sentido de la vida, de la muerte, de la sociedad. Et je renvoie à ce que disait Eugène tout à l'heure. Pour faire ce travail-là, on a besoin des autres. Para hacer ese trabajo, se necesita a los demás. Le sujet individualisé. El sujeto individualizado. Il est dans l'isolement. Está en el aislamiento. Et la dépression individuelle. Y la depresión individual. Il est temps de retrouver que ce je-là, ce sujet-là. Es tiempo de que ese yo, ese sujeto. Retrouve des mouvements collectifs. Se reencuentre con los movimientos colectivos. Retrouve la lutte. Se reencuentre con la lucha. La colère. La cólera. Qui permet à la fois de concilier les aspirations du sujet. Que permite reconciliar las aspiraciones del sujeto. Dans le registre existentiel. En el registro existencial. Et l'action politique. Y la acción política. Le sujet ne peut advenir que dans l'altérité. El sujeto puede aparecer solamente en la alteridad, dans la co-construction d'un monde commun, en la co-construcción de un mundo en común, dans la célébration de l'être ensemble, y la celebración del estar juntos. Je pense que notre colloque est à la mesure de ce défi. Y espero, pienso que este coloquio está en la medida de este desafío. Que chacun puisse advenir comme sujet. Que cada uno pueda transformarse en sujeto, advenir como dans sujeto. Un monde globalisé en transformation permanente. En un mundo globalizado en transformación permanente. Je vous remercie. Muchas gracias. Merci, gracias Vincent. Gracias a los compañeros que estuvieron toda la mañana con nosotros. A las 14 horas empezamos la mesa redonda Salud y Trabajo en la Facultad de Psicología a 4 cuadras de acá. Los compañeros que aún no se han inscrito, por favor, entre las 12 y las 14 horas pasen a inscribirse a la Facultad de Psicología. Tous les copains, les collègues, les amis qui ne se sont pas encore inscrits, il faut passer entre midi et 14 heures s'inscrire à la Fac de Psycho. Merci d'être ici, gracias de estar con nosotros. Nos vemos en un ratito.